Yeah. Je tourne dans la street comme les mecs de la queue bas. C'est pour le daron que mon cœur bat. J'ai l'avenir des miens dans les bras. C'est ça où je termine dans les draps. Plus que jamais je dois faire du gras. J'ai grandi parmi des pulcras. Tous des soldats formés sur le tas. Les moyens sont justifiés par le résultat. Je te baiserai pas si t'as le cul plat. J'irai voir ailleurs si tu suces pas. Le monde est cruel, qu'est-ce que tu crois? Je la dois du gauche et je tire du droit. Pas de cacheton pour la prise de poids. Tu flippes de qui, tu flippes de quoi? Ma voix, mon regard pire que froid. Mes équipiers sont pires que moi. Gros son de l'eau, ça pour mes raclos. Le million, mon péché mignon. Bête de YouTube pour les radios. Je m'en bats les couilles de vos opinions. Je vise la lune, tu vises le toit. Chacun sa propre estime de soi. Je lui déchiquette son stream de soi. J'espère que son boule est libre de droit. Ouais, Igo, je suis type de nègre. Je la fous le seum de par ma posture. Me parle pas comme un têtu peu de merde. J'ai le caractère et les os durs. Je veux me péter une nouvelle auto. Deux ou trois semi-auto. Passer mon permis moto. Un plan pour faire venir la coco. Je suis avec Abbas et Denflo. Au Salmandri ou à Gonla. Ou à la sup du Valda. Avec Merca et Bernard. Casse à tous mes bagnards. Qui font tourner tous mes sons au placard. À mes petits sur la rapide qui se gèlent les panards. Qui esquivent et schmittent leur traquenard. Ils voudraient me voir crever la dalle. Pas tant qu'il y aura un dieu sur terre. Leur dernière vision avant de die. L'image de tous les brochis qu'ils sucèrent. Je m'en bats les yeux coups, je suis vulgaire. Le CSA est à bout de nerf. Façon la jeunesse est du père. Et y'a le diable au rebond qui récupère. Igo, je vais te faire poireauter. Si t'avais prévu de me faire. Je sais pas lequel de vous a roté. Je ne vois que des bulles de me sphère. J'arrêterai de leur faire des folies. Quand je pèserai le poids de leur daron en produit. Le monde est à moi comme Tony. J'arrive, j'arrête pas la broly. Summer Crack 3. Tous c'est la famine. 45 Orleans. Yuri par-ci, Yuri par-là. On va voir maintenant. Bande de fils de pute.